On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. Pour les tiens, les miens, les siens. Et c'est pour ceux et celles qui regardent ma gueule et dans ma caboche avant de constater que je ne roule pas dans un SL, que je n'ai pas de liasse dans les poches. Proche de ma liane, je m'accroche, crash et j'excelle. C'est l'amateur professionnel, je viens faire bugger ton encéphale. Je viens pas te faire baigner dans tes selles. Sans délire ancestral, les ménestrales s'esclavent. Oye oye, venez festoyer, même si on vous demande si l'eau est bonne quand vous êtes en train de vous noyer. Vision de la vie foudroyée, mais je m'en tape, vous voyez. J'annonce mon arrivée, mon art se sent invité, parfois évité, je suis à pour l'initié, hip hop is not dead. HNT team, le beat brille. La rime est clean, les mots m'attirent. Au contraire, te voilà la tire. Possède caractère et répartie. On vient faire terre, man, si c'est parti. De nos terres à la mer, dans la merde ou dans le bonheur, on opère bonhomme avec cette bonté qui n'a plus de nœud. On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. Pour les tiens, les miens, les siens. Au PIDM, si on est beaucoup à postuler pour de la reconnaissance. Mais on n'est pas tous pris, surtout sans connaissance. Alors c'est ce que c'est histoire dire. Un gros merde à l'industrie avec trop d'indulgence. Je fais partie des respectueux depuis la naissance. Même si ma révérence a sans arrêt m'arrêt vers eux. Car tout me paraît vers eux, mal amarré, aéré dans un quotidien onéreux. Car sans euros on est à rien, même si on est peut-être pas plus heureux. Je prends le départ pour un nouveau tour, j'ouvre ma bouche et je distribue mes lyrics à la cartouche. Ici les passionnés, rap, flip, la foot, on s'est pas fait passer par le billet comme partouche. Bien loin de Panam, des politiciens leur partouche. Loin des surhumains, plan au ça si tu le penses tu touches. Et ça bouge avec des flows qui poussent, qui bougent, trop sur les basses. Pas d'impasse sur la totale passe. On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. Pour les tiens, les miens, les siens. On n'est pas si imbécile et indécis. On y va comme on le ressent. On a des blancs missiles. On va pas non plus te faire un dessin. D'ici à 100% pour les tiens, les miens, les siens. Pour les tiens, les miens, les siens.